Bonjour et bienvenue sur les chemins de la philosophie. Je vous propose de réécouter cette semaine une série d'émissions sur les philosophies d'Iran diffusées en décembre 2017. Le grand soir, c'est ce matin. La révolution aura lieu dans ce studio des chemins de la philosophie jusqu'à 11h. La révolution, ou du moins le récit qu'on peut faire 38 ans après de ce qu'on a appelé, à tort ou à raison, la révolution iranienne. Tout commence, mais c'est déjà l'aboutissement d'un long processus, un jour de septembre, le 8 septembre 1978, à Téhéran, place Jalais, comme le raconte à l'époque un journaliste de la rédaction de France Inter. Je suis allé ce matin dans le quartier de la place Jalais, et près du bazar, véritable poumon commercial de Téhéran. Eh bien, l'énorme majorité des rideaux de vitrine sont baissés. Ce refus de travailler est sans doute la manière dont les commerçants de la capitale ont transposé dans la réalité l'appel à la résistance populaire lancé hier soir depuis l'Irak par l'ayatollah Khomeini. En outre, des centaines de slogans ont encore surgi sur les murs, sur les boîtes aux lettres, sur le flanc des poubelles ou sur les panneaux de signalisation. Ils disent grosso modo ceci: « À bas la monarchie Pahlavi, il faut répondre aux armes par les armes et surtout mort au chat ». Bonjour Mohsen Mottari. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes sociologue, spécialiste du champ intellectuel en Iran, l'auteur de « La pensée chiite contemporaine à l'épreuve de la révolution iranienne » publiée chez l'Harmattan en 2012. Avez-vous des souvenirs de cette révolution ? Non seulement j'ai des souvenirs, j'ai participé aussi à ma manière. Vous étiez place très jeune, très jeune, oui, parce que c'est même dans ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est quand même l'aboutissement d'un processus qui a déjà commencé depuis, je dirais, 1962-63, mais plus particulièrement quelque temps avant l'événement de Jalais, avec la mort du fils de Khomeini que tout a commencé. Hein. Donc, si on pourrait dire comme ça, c'est une interprétation. Il y a deux choses à dire par rapport à cette révolution. D'abord, la mort du fils de Khomeini. Alors, qui est Khomeini? Khomeini, voilà. Donc, qui est Khomeini? Et puis, aussi un texte qui a été publié dans un journal iranien, était là à l'époque, qui traitait Khomeini comme un non-iranien, c'est un indien. Ça, c'est les deux événements qui ont participé d'une façon ou d'une autre à une protestation et une mobilisation dans les mosquées. Qui est Khomeini? Khomeini, maintenant, il est considéré comme le guide de la révolution iranienne, mais c'était un religieux, un théologien, mais qui n'était pas d'accord avec les autres théologiens. Donc, c'était un théologien d'un but d'inspiration mystique, mais à un moment, un peu, il a commencé à contester le régime du Shah dans les années 60, au début des années 60, avec ce qu'on appelle la réforme agraire du régime du Shah. C'était le début d'un processus de modernisation de l'Iran, le début de passage d'un système agraire à un système moderne, avec beaucoup de pouvoir donné aux femmes, une sorte de modernisation. Et Khomeini a contesté ces modernisations parce qu'à l'intérieur d'un certain nombre de textes, il y avait la remise en cause de la religion musulmane. Donc on n'était plus obligé de jurer sur le Coran pour devenir député. On mettait en cause un peu le pouvoir des gens qui avaient pas mal de terres. Donc il y a eu une manifestation, ce qu'on appelle au mois de juin, ce qu'on appelle le mouvement de 15 Khordad. 15 Khordad, c'est le jour où les gens sont descendus en 1963 dans les rues, ont protesté contre le régime, ont défendu Khomeini d'une façon ou d'une autre. Donc voilà. Ce qui se passe à ce moment-là, on va essayer d'aller très lentement pour bien comprendre toutes ça, les clés de cette Parce que révolution. Ça, c'est un peu le début, ouais. Le début de la... De la manière dont Khomeini est propulsé sur la scène politique et religieuse en Iran. Khomeini était inconnu. C'est à partir de ce moment-là que Khomeini a été arrêté 2-3 jours après cette manifestation, ensuite passé en Turquie et en Irak. C'est à partir de l'Irak. Voilà, c'est comme ça, je pense qu'on pourrait... Mais il faut comprendre à qui il s'opposait. Vous avez parlé du chat. Voilà. Alors, qui est le roi à ce moment-là, donc la dynastie iranienne qui a été mise en place par Reza Shah dans les années 20. Et ensuite, dans les années 50, il y a eu quand même le coup d'État contre le régime nationaliste de Mossadegh et son fils qui est revenu encore de nouveau au pouvoir. Mais jusqu'à les années 60, de 50 à 60, l'Iran a connu quand même beaucoup de répression avec le Shah d'Iran. Mais il n'y a pas eu vraiment de mouvement populaire, je dirais. Il n'y a pas eu de mouvement populaire. Il y a beaucoup d'arrestations, on peut trouver dans la poésie, on peut trouver dans la littérature, tout un mouvement de contestation qui ne devient pas un mouvement ni populaire ni intellectuel. Donc voilà. On peut trouver dans la poésie de Akhavan Saleh, qui est très connu en Iran, qui a publié plusieurs poèmes, Zemestan, ça veut dire l'hiver, donc qui essaye de montrer dans quel contexte l'Iran se trouve entre 1953 jusqu'à 62. Donc c'était vraiment une décennie de silence, une décennie de difficultés. C'est à partir de ce moment-là que l'idée de contestation trouve ses germes, qui se traduit dans les années 60 et 70 par l'émergence des mouvements de type guérilla, marxiste, intellectuel. Voilà. Donc alors, il faut, avant de présenter ces mouvements et cette opposition avec en chef de file Khomeini, j'aimerais vraiment qu'on précise ce contre quoi il s'opposait. Ouais. On a parlé du chat, on va Khomeini y rester un instant. Voilà, ouais. On va simplement, peut-être une bonne façon de commencer, c'est parfois d'essayer d'expliquer l'histoire comme si on l'expliquait à un enfant. Et c'est exactement comme ça que procède Marjane Satrapi dans son film Persepolis, où elle raconte son enfance en Iran au moment de la révolution iranienne, et elle met en scène cette petite fille qu'elle était, qui demande à son père, enfin qui pense savoir ce qu'est le chat. Écoutez la réponse du père, ça va nous aider ensuite pour continuer notre discussion. Je l'avais dit. Nous sommes en train de vivre un moment historique. Il va enfin payer pour tout le mal qu'il nous a fait. Oui, ma fille. Ton pauvre père va enfin être vengé. Le chat va pouvoir faire ses valises et rejoindre ses potes à Washington. Je pense que j'aime le chat. Il a été choisi par Dieu. Si, absolument. C'est Dieu lui-même qui me l'a dit. Dieu est la maîtresse aussi. Tout d'abord, le chat n'a pas été choisi par Dieu. N'importe quoi. La maîtresse... Chut. Tout ça, c'est ce qu'ils disent. Moi, je vais te raconter comment ça s'est passé. La vérité, c'est qu'il y a 50 ans, le père du chat, qui était alors officier, voulait renverser l'empereur Qajar pour instaurer une république. Je ferai comme Atatürk, je moderniserai ce pays et je ferai une république. Mais les Anglais avaient eu vent du projet. Et un jour... Bonjour, pourquoi tu veux faire une république alors que tu pourrais être empereur? Moi, empereur? Bien sûr, c'est mieux que président. Tu auras tous les pouvoirs. Un pays comme le tien a besoin d'un homme fort comme toi à sa tête. Ce n'est pas faux. Et puis, tu sais bien que le clergé est contre la République. Et entre nous, il n'a pas tort. Et que dois-je faire? Rien. Tu nous donnes le pétrole, nous nous occuperons du reste. Puisqu'il est toujours difficile d'avoir une lecture objective de l'histoire, autant passer par les histoires qui racontent l'histoire, et celle de Marjane Satrapi est formidable. Vous avez vu ce film, j'imagine, oui, Mohsen Mottari. Oui. Voilà, et donc là, quand la petite fille pense savoir qui est le chat, le père lui rappelle que c'est plus compliqué que ça. Ce qu'on entend dans cet extrait, c'est quand même que le chat a été grandement influencé par l'Angleterre, par l'Occident en général. Oui, par l'Angleterre, son père plus par l'Angleterre, mais lui-même, le Shah d'Iran, le fils Mohammad Reza Pahlavi, était plus, je dirais, soutenu, influencé par les Américains. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Ce qui reste un peu dans la mémoire collective des Iraniens, c'est que le Shah d'Iran a été soutenu en 1952-53 par les Américains pour renverser le premier ministre nationaliste Mossadegh, qui avait tenté de nationaliser le pétrole, qui avait tenté un peu de réduire le pouvoir à la fois des Américains en Iran, mais aussi le Shah d'Iran. C'est-à-dire que la monarchie reste limitée, constitutionnelle, et ne pas une monarchie absolue. Donc, ce que j'entends aussi dans l'extrait, ce qu'on parle sur le chat a été choisi par Dieu, c'était une façon, parce que dans la conscience collective des Iraniens, le chat était considéré comme Zellollah, ça veut dire l'ombre de Dieu. Donc, c'était une façon d'être protégé par le religieux. C'était toute la contradiction de la société iranienne et surtout le chat d'Iran, que ce soit son père ou lui-même, c'est toujours de vaciller entre la religion et la politique, à la fois réduire le pouvoir des religieux tout en cherchant une certaine légitimité de la religion. C'est tout le paradoxe. Voilà, c'est tout le paradoxe. Comment il se situe par rapport paradoxe. À la religion. Le père de chat d'Iran, on a bien dit dans cet extrait, il voulait instaurer une république. Mais beaucoup de religions contestaient l'instauration de la république et considéraient que la monarchie était la meilleure forme d'un pouvoir politique en Iran. Voilà, c'est toutes ces contradictions. Et même au-delà, il se fait baptiser roi des rois, le roi chat des rois, du voilà. Chat. Ça c'est aussi un... Pour renouer avec la tradition antique cette fois-ci. La tradition antique, ça s'est accéléré dans les années 70 avec... La fête de Persépolis, justement, où le Shah d'Iran a essayé de changer le calendrier iranien, qui était un calendrier religieux islamique. Et nous, on a fait un saut de 1300, je sais pas combien, on est venu 2502, quand on était à 1350. Sur le plan chronologique, on a sauté, mais sur le plan de la réalité, ça n'a pas changé grand chose. Mais c'est la fameuse fête d'Artar Jamshid de Persépolis dans les années 70, où tous les pays sont venus en Iran. Il a été couronné de nouveau le Shah d'Iran. Il est devenu encore le Shah des Shahs. Et puis là, à cette époque, c'était aussi au moment où les mouvements de contestation étaient très forts en Iran. Donc il y avait les jeunes qui étaient dans les partis politiques, dans les organisations politiques, il n'y avait pas de partis politiques. Donc le chat, le père et le fils étaient dans une position très ambivalente envers la religion. Oui, parce que d'un côté, bon, il y a le désir de perpétuer la monarchie, ce qui est très conservateur, mais de l'autre... Leur désir, ou le désir en tout cas du fils, c'est quand même de libéraliser le pays, de l'ouvrir vers l'étranger. Il accorde le droit de vote aux femmes, je crois. Oui, c'est ça. Donc il y a quand même des réformes libérales extrêmement fortes. L'une des causes de 62, le mouvement de 62, c'était aussi le droit de vote aux femmes. Mais le problème des régimes de chasse, c'est aussi comment on légitime un pouvoir politique. Ouais. Ça aussi, soit on s'appuie sur la religion, sur la nation, sur la race. Il y a plusieurs types de légitimité d'un pouvoir politique. Le chat d'Iran qui voulait plus retirer sa légitimité de la religion, vu qu'il était un peu en conflit avec les religieux, il a essayé d'appuyer beaucoup sur l'iranité, donc ce que j'appelle entre islamité et iranité. Il a essayé de valoriser les mythes persans. Il a essayé quand même de donner un autre calendrier persan. Il a essayé de purifier un peu la langue persane des mots arabes. Il y a tout un mouvement intellectuel apolitique qui est autour de Shah, qui ont essayé un peu de légitimer d'une façon ou d'une autre, mais n'avaient aucun écho dans les milieux intellectuels universitaires, qui étaient très politisés, qui voulaient absolument renverser le régime. Le paradoxe. Ceux qui veulent renverser le régime, il y a à la fois les intellectuels dont vous parlez, qui estiment qu'il y en est dans un renfermement du pays sur lui-même, et peut-être dans une conception trop archaïque de la politique, et de l'autre, les religieux qui, au contraire, reprochent au régime et au chat en place de ne pas être assez religieux. Oui, voilà, ça c'est vraiment un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire, c'est que après la répression de mouvements de juin 63, quand Khomeini est allé en Irak, quand il y a eu pas mal de mouvements de contestation, les intellectuels disaient qu'on est d'accord pour la réforme, mais cette réforme s'est traduite par la mise en place d'une dictature. Donc ce qui s'est passé en Iran dans ces années, c'est que la modernisation de la société iranienne, ce qu'on appelle la modernisation autoritaire, ne s'est pas traduite par l'ouverture de l'espace politique, dans l'espace public. C'est-à-dire à la fois, on avait une nouvelle classe moyenne modernisée, on avait l'accès à beaucoup de produits occidentaux, mais tout ce qui était la participation politique, ce que j'appelle la participation politique, la prise de décision politique, le régime était assez fermé. Donc c'était ça, je pense, que ce qui s'est passé, que le discours des intellectuels comme Jalal Ahmad, comme Shariati, comme d'autres de nos mouvements gauchistes, ont trouvé un écho dans les universités. Il y a les communistes également. Les communistes, c'est pareil, c'est que vers la fin des années 60, il y a quand même deux groupes qui contestaient de façon évidente contre le régime du Shah. D'un côté, l'organisation des Moudjahidines du peuple, c'était une organisation religieuse. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle les guérillas du peuple, ce sont des communistes. Mais ce ne sont pas des communistes dans le sens où on entend ici, parce que le parti communiste iranien n'avait aucun poids dans ces années-là. Ce qu'on appelle le parti Today était un parti réformiste qui n'était pas pour une contestation directe et un mouvement de guérilla, la lutte armée. Il y avait des jeunes universitaires qui ont quitté le parti communiste officiel, qui ont fondé des organisations politiques pour renverser le régime. Pour eux, la seule manière de contester le régime, c'est de s'engager dans une lutte armée. Mmh. Après, il y avait un débat, je ne sais pas si c'est intéressant d'entrer dans ce genre de débat, c'est que les Moudjahidines considéraient que la lutte doit commencer par la ville, et de l'autre côté, les Fadaïnes, les communistes, disaient que ça doit commencer par les campagnes. Donc c'est un peu où s'inspirer de Che Guevara, de Régis Debray, qui étaient, ces livres ont été traduits. Donc c'est la lutte armée devenait quand même la seule manière de pouvoir faire sortir de l'Iran de son impasse politique. Donc, est-ce que le terme de révolution est approprié? Le terme de révolution... Parce qu'il est employé, je précise juste qu'il est employé par le Shah lui-même en 1963 lorsqu'il lance la révolution blanche qui est destinée à moderniser l'économie. Voilà. Donc, à proprement parler, la révolution dite de 78 à 79 est plutôt une contre-révolution. Oui, c'est encore une fois, oui, la révolution, ça peut être aussi étymologiquement, si on parle. La révolution blanche, c'était une révolution de palais, c'était une révolution qui voulait moderniser le pays. Mais la révolution, dans ce sens originaire, c'est retour à l'origine. Donc on peut dire aussi que la révolution iranienne, d'une façon ou d'autre, c'était un retour dans... Mais je pense que c'était une révolution. C'était une révolution parce que ça ne peut pas être contre une contre-révolution. Mais ça peut avoir des conséquences néfastes dans beaucoup de révolutions. Quand on étudie les révolutions de 17e, 18e, 19e, il y a beaucoup de littérature qui montre que presque toutes les révolutions mènent au totalitarisme. Donc, on va voir justement. C'est un peu dans ce qu'Anna Arendt explique très bien par rapport à la révolution française. On peut expliquer par la révolution russe. Toutes les révolutions qui avaient pour objet la transformation totale de la société ont abouti à la mise en place des régimes de terreur, des régimes un peu totalitaires. La seule révolution dont parle Anna Arendt, qui est une révolution non totalitaire, à l'époque, c'était la révolution américaine, qui était une révolution dont le principe était politique, ou la révolution hongroise. Voilà. Donc, c'était une révolution dans le sens les gens voulaient en finir avec le régime. Je ne sais pas si on peut dire contre-révolution. C'est contre l'ordre établi. Donc, il y avait une sorte de irréversibilité de la situation du régime de Shah. La réforme était impossible. La négociation est devenue impossible parce que le Shah d'Iran a tout fait dans les derniers mois de sa vie politique d'engager des négociations. Mais Khomeini est connu, je pense, de son entourage, comme quelqu'un d'intransigeant. Donc, cette volonté de Khomeini de mettre fin au régime de Shah a plus mobilisé la population iranienne que les courants dits réformistes qui voulaient engager une négociation. Je vous donne un exemple simple. Oui. C'est le Mehdi Bazargan, qui était un réformiste, qui est devenu le premier ministre après la révolution. Ce qu'on appelle en Iran le mouvement nationaliste, qu'il ne faut pas confondre avec le Front National de type français. Le mouvement nationaliste, qui était un mouvement national qui défendait les intérêts nationaux, qui avait une vision réformiste, qui voulait négocier avec le Shah, qui voulait réduire le pouvoir du régime. Mais en fin de compte, l'intransigeance de Khomeini les a poussés à rejoindre le mouvement révolutionnaire. Je pense qu'il faut se mettre dans le contexte de la révolution. Sûr, il y a 38 ans qui sont passés, mais aujourd'hui, on peut regarder beaucoup plus facilement. Mais c'est dans le contexte révolutionnaire, tout discours réformiste était banni de l'espace politique. C'était la révolution et pas la réforme. Il faut présenter quand même rapidement Khomeini, même si on l'a fait, c'est un ayatollah. Khomeini, c'est que je pense qu'il faut distinguer plusieurs périodes de la vie de Khomeini. On pourrait dire de 53 au 63. À cette période, Khomeini est un théologien. Il défend plus ou moins le régime. Je ne dis pas le régime du Shah, un régime monarchie, mais il essaye quand même de réduire le pouvoir du Shah. À l'époque, il y a quelques livres qui ont été publiés contre la religion. Khomeini publie un livre pour défendre la religion, pour défendre l'islam, pour contester quand même les autres interprétations. Mais jusqu'à 62-63, Khomeini n'avait pas de légitimité au sein de la hiérarchie religieuse. Donc il faut dire juste un mot qu'en 1960, le grand ayatollah Burujerdi, qui était le grand ayatollah de l'Iran, est mort. Donc la question de sa succession... Un ayatollah, c'est juste un membre du clergé chiite. L'ayatollah, c'est, étymologiquement, c'est le signe de Dieu. Oui, c'est l'ayatollah parce qu'ils sont plusieurs en Iran. Il y a pas de, à l'époque, il n'y avait pas plusieurs. Donc il y a une dizaine d'ayatollahs qui avaient la légitimité et qui géraient les écoles théologiques de Rome, de Machad. Donc Khomeini, c'est des titres par cooptation aussi, même s'ils font des études. Ils font des études devient, quand même. Ils font des études. Ils font des études et il y a plusieurs hiérarchies d'études. Mais et les mollahs, au bout de 5 ans les mollahs, c'est plus bas. Voilà, c'est, Ayatollah, c'est 15 ans d'études. Voilà, n'est-ce pas? Donc c'est, ouais. Voilà, c'est 15 ans d'études, mais en même temps, c'est des études qui restent des études théologiques. Hein. Donc Bourguer dit, quand il est mort, la question de sa succession se pose, mais personne n'a légitimité de cette époque. Donc il y a plusieurs ayatollahs qui sont présents, Shahri Madhuri, Khomeini, ou un grand philosophe iranien, Ayatollah Tabatabai, qui est très connu. Donc pour eux, ils se demandent qui va prendre la direction de la communauté musulmane. Mais personne ne peut bien se prononcer sur cette question. Certains disent c'est une direction collégiale, d'autres disent une sorte de direction. Donc en fin de compte, Khomeini, par ses positions politiques à partir des années 60, vers le milieu des années 60, s'impose comme le seul ayatollah à qui il faut se rallier pour faire de la politique. Parce que Bourguerdi était apolitique. Beaucoup de clergés étaient pas politiques. Les religieux, globalement, ne participaient pas à la vie politique. Il était en dehors de la vie politique. Khomeini transforme la vision de l'islam du politique et ils disent la seule manière d'être un bon musulman de cette période, c'est de contester le régime en place et de renverser le régime et d'instaurer un régime islamique. C'est au début des années 70. Et il va être exilé à cause de ça. Oui, il va être exilé en Irak. Et quand il arrive en Irak, au début des années 70, il prononce une série de cours qui deviendront ces cours pour un gouvernement islamique. Le livre a été traduit en français sous le titre « Pour un gouvernement islamique », mais le vrai titre, c'est « La jurisconsulte du docte religieux », c'est-à-dire comment la religion doit prendre la direction politique de la société. Ça s'appelle « Pour un gouvernement islamique », mais enfin tout ce qu'on appelle « Velayat e Fari », la domination du docte religieux. C'est-à-dire, Khomeini explique, relativement simple, de façon assez didactique, il dit le pays doit gérer par la religion. Le fondement de la religion, c'est la loi religieuse. Celui qui connaît mieux la loi religieuse, c'est le fari, c'est le docteur en religion, donc docteur en religion. C'est comme ça que le terme de velayat e fari, qui n'existait pas dans la théologie chiite, qui était quand même un concept assez marginal et que personne ne prétendait de pouvoir se réclamer de cette domination religieuse, Khomeini le transforme en un acte politique. Ouais. Et c'est comme ça que dès qu'il y a la révolution en Iran, à part les premiers textes de la constitution iranienne dans lesquels on ne trouve pas le concept de velayat e fari, le velayat e fari devient la théorie dominante et générale de la République islamique. Mais quand la révolution éclate, Khomeini n'est pas en Iran. Pour la révolution éclate, non, il est en Iran, à Naufle-le-Château. Il est en Irak, donc comme le Shah d'Iran s'entendait bien avec Saddam Hussein de l'époque, il y a une pression sur le régime irakien pour faire partir Khomeini. Et l'entourage de Khomeini, qui n'étaient pas des religieux, qui étaient des intellectuels, comme Yazdi, comme Rotzadeh, donc ce sont des intellectuels qui vivaient en France, Rotzadeh qui vivait en France, Yazdi qui vivait aux États-Unis. Donc on le conseille de venir en France pour pouvoir profiter de la liberté occidentale afin de mener une lutte politique contre... Moi, quand j'étais en Iran, j'étais très jeune. Et la première fois... Comment ? Vous aviez quel âge ? J'avais 18 ans, donc disons, voilà. Donc, la première photo que j'ai vue de Khomeini, c'était sur la revue Le Point, assis sous un arbre de je sais pas quoi. Donc, il est venu en France. Il était entouré par les intellectuels qui maîtrisaient le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand. C'était pas des religieux qui étaient... Donc, les intellectuels français de l'époque soutenaient Khomeini contre le Shah. Les intellectuels iraniens. Ah, voilà. Les intellectuels iraniens étaient du côté de la religion. De tendance religieuse. Donc, je vais vous donner un exemple. Rotzadeh, qui est devenu après le ministre Yazdi, qui est devenu le ministre des Affaires étrangères, ce sont des intellectuels qui vivaient à l'étranger, qui menaient des activités politiques, qui étaient proches de Khomeini. Ils ont profité de mouvements révolutionnaires pour pouvoir permettre à Khomeini de se présenter comme la seule alternative. Je pense que c'est ça qui est important. Khomeini vient en France, Et à partir d'ici, avec les cassettes, maintenant, les moyens modernes ont changé, les cassettes. On envoie les cassettes, on enregistrait les cassettes. Et puis, le chat d'Iran aussi a fait une cassette, hein, à la manière de Gaulle, je vous ai compris. Voilà, donc c'est aussi le chat d'Iran, il a fait une, il a fait un petit discours, je me souviens, qui a été propagé, qui a été distribué dans toutes les rues. Mais moi, je dirais que, à partir de ce qu'on vient d'entendre, le vendredi noir, oui. Là, il y a le massacre des personnes, parce qu'il y avait la demande de Khomeini de venir manifester sur la place publique de Jalais. Donc, la veille, le régime annonce l'état de siège, c'est-à-dire l'interdiction de se rassembler. Donc, la veille, et les gens n'écoutent pas le lendemain, on va tous sur la place de Jalais. Avant d'arriver là-bas, il y a eu déjà des arrestations, des tirs. Il y a eu beaucoup de morts. Après, moi, je dirais aujourd'hui, avec du recul, parce qu'on manifestait le soir et le lendemain, en criant qu'il y a eu des milliers de morts. Je ne pense pas qu'il y ait eu des milliers de morts, mais c'est un peu comme toute révolution. Il y a une sorte d'exagération pour pouvoir délégitimer le pouvoir. Mais il y a eu des morts. Enfin, l'important est qu'il y ait eu des morts, quand même. Il y a eu des morts, il y a eu des morts. Et puis, je pense que c'est devenu le non-retour à partir de donc, ce vendredi noir. C'est le vendredi noir qui reste dans la mémoire collective des Iraniens. Donc, Jom Eyesiyar, on l'appelle. En plus, c'est un jour férié en Iran. Donc, tout le monde était dans la rue. Mais je pense que Khomeini a permis aux gens de ne plus avoir peur du Shah d'Iran. C'était aussi une façon, moi, peut-être que je dirais après quelques mots, c'est-à-dire comment elle a transformé Khomeini, les mythes chiites, pour donner une force aux gens. Les gens qui s'identifiaient aux héros de l'islam chiite, il a dit, si vous voulez les suivre, c'est aujourd'hui. Vous avez pleuré pendant des siècles pour la mort de Hossein parce qu'il était un grand martyr. Maintenant, vous avez l'occasion de devenir martyr. Si vous voulez devenir martyr, allez-y. Donc maintenant, vous contestez. Si vous êtes mort, c'est ça. Il s'inspire aussi de Shaliati indirectement. Je pourrais dire que Shaliati a joué un rôle aussi déterminant de transformation des mythes chiites en mythes politiques. Donc. Un an après la révolution, l'Irak attaqua l'Iran. Saddam profita de la faiblesse du pays pour frapper. La révolution et les purges massives opérées dans l'armée nous avaient terriblement affaiblis. Au nom de la lutte contre l'ennemi extérieur, l'État iranien extermina l'ennemi intérieur, c'est-à-dire les anciens opposants au régime du Shah. Les arrestations et les exécutions devinrent monnaie courante. Tout le monde avait peur. Le nouveau gouvernement en profita pour instaurer des lois encore plus répressives. En 2 ans, notre quotidien changea de visage. Et nous aussi. Allez les enfants, sur le cœur pour nos martyrs. Filles et fils de l'Iran, la guerre a tué nos meilleurs enfants. La vérité surgira bientôt de leur sang. Pour qui sont-ils morts? C'est pour nous. C'est pour nous. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons des philosophies d'Iran cette semaine et aujourd'hui de la révolution en Iran quand la religion reprend le pouvoir, en compagnie de Mohsen Motari, sociologue, spécialiste du champ intellectuel en Iran. On va venir justement dans un instant au rôle des intellectuels dans cette révolution. D'abord, ce qu'on vient d'entendre dans cet autre extrait de Persepolis, le film de Marjan Satrapi, c'est qu'une fois que la révolution a eu lieu, Khomeini a eu gain de cause, etc., eh bien, ce qui se passe n'a pas l'air beaucoup plus... Disons qu'on ne voit aucun signe d'amélioration par rapport à ce qu'il y avait avant, voire c'est presque pire. Oui, c'est comme on dit souvent, les enfants, la révolution dévore ses propres enfants. Ouais. Donc ça, ce qui se passe, c'est que c'est un peu difficile de proposer vraiment une périodisation de la révolution iranienne, parce que quand la révolution a eu lieu, avec la victoire de la révolution iranienne, il y avait une juxtaposition de deux pouvoirs, je dirais, de deux types de pouvoirs, le pouvoir des religieux et le pouvoir, entre guillemets, des intellectuels religieux. Je m'exprime un peu plus facilement. Quand le premier gouvernement, après la révolution, est dirigé par un non enturbané. Parce que si je dis non religieux, ça ne veut rien dire parce qu'il était religieux. C'est-à-dire que ce n'était pas un mollah, ce n'était pas un état-là, c'est Mehdi Bazargan. Mehdi Bazargan, le premier ministre de la révolution, c'est un intellectuel qui a écrit une dizaine de livres, qui a lutté contre le régime du Shah, qui était en prison, qui a fait des études supérieures en Iran, qui a fait la centrale à Paris. Voilà, donc c'est un intellectuel qui connaissait très bien les milieux intellectuels en France. Donc d'un côté, il y avait les intellectuels religieux qui avaient une partie de pouvoir après la Révolution, et de l'autre côté, il y avait des religieux. Des religieux, parce que Khomeini considérait qu'il fallait pas donner le pouvoir visible dans un premier temps aux religieux, aux mollahs, aux ayatollahs. Donc c'est des intellectuels, entre guillemets, qui étaient sur la scène de devant, mais tout ce qui était la loi, il considérait que ce sont des religieux qui doivent donner le contenu du pouvoir politique. Mais ce qui s'est passé avec la contestation après le présidence de Bannissart, c'est là où ça dégénère un peu la répression. Mmh. Bannissart devient le premier président de la République, soutenu. Donc après Khomeini, comment ça se passe? Non, après Khomeini n'était pas président, Khomeini était guide, donc il n'avait pas. Guide, il nomme Mehdi Bazargan. Mehdi Bazargan comme premier ministre. Premier ministre. Il organise le référendum. Le pays devient République islamique. Référendum qui approuve à 98% l'institution de la République islamique. Oui, mais ça voilà. Donc là, et ensuite pendant une petite période, il n'y a pas de président de la République. Ensuite, il y a une élection présidentielle. Dans cette élection présidentielle, Bannissart, qui avait vécu en France pendant des années, qui était revenu en Iran, qui est un laïc, laïc religieux, c'est un peu contradictoire. Dans le contexte iranien, c'est très compliqué. Si je dis religieux, on pense que c'était un non-turbanais, qui était quelqu'un qui est sorti de l'école théologique. Si je dis il est laïc, on va dire non, il n'est pas laïc, il est religieux. Donc c'est pour ça que je dis un intellectuel laïc religieux, proche de Khomeini, qui avait un peu sa femme avait participé pour la traduction du livre de Khomeini pour un gouvernement islamique, qui devient le président de la République, mais qui devient le président de la République en même temps en conflit avec les milieux traditionnels et les milieux religieux. Avec la guerre, il devient quand même plus ou moins un héros parce qu'il est quand même le président de l'Iran, et petit à petit, il commence à contester la domination du clergé iranien. C'est là où les Mojahedines rejoignent Bannissart et essayent d'organiser des manifestations en Iran au mois de juin 1981. C'est là où il y a des milliers d'arrestations, de morts. Bannissart est obligé de quitter l'Iran avec les Mojahedines. Il revient en France, il habite à Versailles depuis. Du coup, à partir de là, ce qu'on entend dans l'extrait, c'est à la fois la guerre qui donne une légitimité au régime iranien pour dire que nous devons nous battre pour pouvoir sauver à la fois la nation et la religion. Et de l'autre côté, Bannissart qui quitte l'Iran, et à partir de là, il y a une répression politique de tous les opposants. Donc c'est ça un peu l'histoire de l'Iran dans les 5 premières années. Il y a eu peut-être quelques mois de liberté, quelques mois où il y avait pas mal de journaux, mais à partir des années 1980-82, c'est la période la plus dure de Donc dès lors qu'en fait a été proclamée la République islamique d'Iran. Voilà. Est-ce que c'est la première République islamique? C'est la première République au monde à ce moment-là. Il y a le Pakistan aussi qui avait une sorte de République islamique, mais c'est vraiment c'est une République islamique qui est aussi un peu contradictoire. Comment on peut avoir la République et l'islam, comment on peut avoir la révolution et la religion. C'est aussi ça des vous paraît termes, incompatible. Ça paraît dans l'esprit beaucoup de personnes. Comment on peut défendre une révolution moderne avec une vision religieuse? Comment on peut avoir une république avec l'islam? C'est ça tout l'enjeu de la révolution. C'est l'enjeu de la révolution, c'est depuis toujours. Depuis toujours, quand on regarde dans les 30 dernières années l'Iran, il y a toujours un conflit entre les défenseurs d'une vision ouverte de l'islam avec les défenseurs d'une vision fermée de l'islam. Oui, c'est la question, c'est est-ce que la religion charia, et la modernité sont compatibles? Voilà. Est-ce que l'islam et la modernité sont compatibles en Iran? Oui, je pense que les intellectuels religieux de la période post-révolutionnaire ont montré qu'il y a une compatibilité entre la religion et la modernité, à condition qu'on repense la religion et qu'on réduise un peu son pouvoir et qu'on réinterprète la modernité. Je pense que c'est comme ça. On ne peut pas prendre la modernité comme un bloc et la religion comme un bloc. Je pense qu'il y a tout un travail d'herméneutique, c'est-à-dire un travail de lecture des textes. Donc il faut déconstruire à la fois la modernité et la religion pour que les deux soient compatibles. Parce que si on parle de la modernité comme une modernité laïque, laïciste contre la religion, c'est pas compatible. Si on prend la religion comme l'application de la charia et toutes les lois religieuses, certes, il n'y a pas de compatibilité. Mais si on interprète d'une autre manière la religion, ce qu'ils ont fait les intellectuels religieux, même de la période post-révolutionnaire, quelqu'un comme Chaversali, quelqu'un comme Sourouche, quelqu'un comme Kadivar, plusieurs intellectuels religieux ont essayé de montrer qu'il pourrait y avoir une compatibilité entre la religion musulmane et la modernité, à condition qu'on fasse une nouvelle lecture des deux. C'est ça qui me semble important, c'est-à-dire ce que Sourouche a essayé de faire, c'est-à-dire il faut réduire le poids de la religion dans l'espace public et aussi ouvrir un peu la modernité pour qu'elle puisse intégrer la religion. Je pense que la modernité un peu restreinte, rétrécie, n'est pas en capacité de pouvoir... C'est un peu le débat qu'on a en France, c'est-à-dire jusqu'où la République pourrait accepter la diversité religieuse. Est-ce que l'acceptation de la diversité religieuse signifie la remise en cause de la laïcité ? Donc, il y a toute une lecture de laïcité, de sécularisation qui entre en jeu. Donc, si on dit l'État laïque donnait aucune expression à la religion dans l'espace public, oui, l'islam est incompatible. Mais si on considère qu'on peut avoir une expression dans l'espace public sans pour autant servir comme fondement de la légitimité de pouvoir... Voilà, c'est ça qui est les intellectuels. On peut se demander si, sur le moment, dans ces années 78, 79 et le début des années 80, les intellectuels en Iran, mais aussi en France, prenaient la mesure de ce qui était en train de se passer. Je pense notamment à ce que Michel Foucault a pu écrire et dire sur le sujet. Foucault est resté connu pour sa prise de position par rapport à cette révolution en Iran. Il écrit, on peut trouver dans le journal Corriere della Sera, c'était en 79, le 13 février, l'article s'appelle « Une poudrière appelée Islam ». L'article se termine en disant « La religion a joué son rôle de levée de rideau. Les mollahs maintenant vont se disperser dans un grand envol de robes noires et rouges. Le décor change, l'acte principal va commencer, celui de la lutte des classes, des avant-gardes armées, du parti qui organise les masses populaires. Est-ce si sûr ?» Et Foucault va beaucoup orienter son analyse du côté d'une certaine spiritualité, comme s'il n'y avait pas une république islamique qui venait de s'installer. Vous voyez un grand philosophe comme Michel Foucault, qui a passé son temps à déconstruire les discours, qui a essayé de faire l'épistémologie de toutes les sciences. Quand il est embarqué dans un mouvement, il peut perdre la tête aussi. Il s'est trompé, vous voyez. Non, mais je dirais que c'est... Il n'était pas journaliste. Le journal italien le charge d'écrire des articles en Iran. Il passe deux fois en Iran, justement une semaine après le massacre de la place Jolet, donc c'est au mois de septembre, et une autre fois au mois de novembre. Donc à deux reprises, il va en Iran, mais je pense que tout ce qu'il a rêvé, c'est-à-dire une société qui conteste la domination marchande, qui conteste la domination capitaliste, qui conteste, entre guillemets, les acquis, je dirais, les acquis de la modernisation, il voit un pays en révolte contre un dictateur, contre un tyran. Voilà, donc après, on aura des jugements beaucoup plus modérés aujourd'hui. Mais Foucault, c'est ce qu'il essaye de montrer. Pour moi, l'idée de ça, cette fascination de la spiritualité politique, cette fascination de la révolution iranienne n'était pas sans lien, contrairement à ce qu'on pense, sans lien avec ses propres fondements philosophiques. Parce alors voilà, c'est ça qu'on va essayer. C'est ça qui est important chez Foucault. Écoutons, alors pas Michel Foucault lui-même, parce qu'on ne trouve pas, je crois, d'archives de Foucault parlant directement de l'Iran. On a ces textes-là, mais on a son éditeur, François Ewald, qui au micro de France 2 en 1994, présente avec ces termes l'engagement de Foucault en Iran. Écoutez. Il s'agit d'un reportage. Et en fait, il invente à ce moment-là quelque chose d'assez particulier, qui est la notion de reportage d'idées. Et il dit, à une époque où on commence à parler de la crise des idéologies, de la crise des grandes philosophies, des grandes visions du monde, il dit, mais finalement, est-ce qu'on est en mal d'idées ou est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup d'idées? Est-ce qu'il faut précisément ne pas chercher, essayer d'aller voir où elles naissent, comment elles naissent, etc. Donc, d'où cette idée qu'en Iran, il se passe quelque chose. Et qu'est-ce que voit Foucault en Iran en 1978? Je crois qu'il décèle quelque chose que nous vivons actuellement, mais qu'il est un des premiers à l'avoir vu, c'est le fait que nous entrons dans une phase qui est post-révolutionnaire. Nous vivons, il sent qu'on vit dans ces années-là, et précisément à partir de l'Iran, qu'on entre dans une histoire, excusez-moi d'utiliser ce terme, on entre dans une histoire qui précisément n'est plus liée par le mythe ou par l'impératif de la révolution, mais qu'autour de l'Iran est en train d'effectuer une certaine basculement vers quelque chose d'autre, et vers quelque chose qui met en jeu dans la politique des éléments qui sont différents, qui ne sont plus sans doute exactement le pouvoir, qui ne sont plus l'État, qui ne sont plus la prise du pouvoir d'État, qui ne sont plus exactement peut-être des thèmes comme l'exploitation ou des choses comme ça, qui étaient à l'époque encore si familiers. Et il introduit effectivement cette idée qui à l'époque est un peu surprenante, mais sans partager. Comme un problème, dit-il, comme ce qui ouvre l'actualité et une actualité qui va devenir un problème pour nous, c'est le terme de spiritualité politique. Voilà que ce qui va faire l'actualité politique, c'est quelque chose qui met en jeu la spiritualité des hommes. Mohsen Mohtari, est-ce que vous avez l'impression que Michel Foucault plaque une grille de lecture qui lui est propre sur le cas de l'Iran? Et du coup, rate la spécificité de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, ce qui se passe pour Michel Foucault, ce qu'il a rêvé pour les sociétés occidentales, il a vu en Iran. C'est-à-dire, il attendait un changement, il attendait des révoltes, il attendait... Voilà, il a soutenu quand même les mouvements de contestation, même dans les années 80, au début de 80, en Pologne, dans d'autres pays. Il avait quand même un engagement politique, un peu comme Sartre. Mais ce qui s'est passé, oui, parce que Foucault... Quand on regarde les fondements philosophiques de Foucault, il s'inspire de qui? Il s'inspire de Nietzsche, il s'inspire de Heidegger. C'est les deux qui contestent l'Occident dans sa vision techniciste, qui contestent quand même la baisse de la morale occidentale, tout ça. Donc, il a quand même une vision anti-occidentale comme en tant qu'occidentale. Donc, c'est un peu qui a fasciné beaucoup d'intellectuels dans les années 60. Parce qu'il voit très bien, dans la révolution iranienne, il y a quelque chose pour remettre en cause les valeurs des sociétés occidentales contre lesquelles il luttait. Donc, il voit dans un autre pays, dans un autre contexte, un peuple se révolte, qui n'accepte pas le tyran, qui n'accepte pas la dictature, qui cherche une autre modernité qui n'est pas celle qu'on rêve dans les sociétés occidentales. Moi, je pense que ce n'est pas sans lien avec ces fondements philosophiques tirés de Nietzsche et de Heidegger. Donc, c'est un rappelons peu... Rappelons que ouais, le slogan quand même des révolutionnaires, c'est ni l'Occident ni l'Orient, la République islamique d'Iran. Oui, c'est sort de cette opposition Orient-Occident qui pourtant aussi... structure toute la philosophie iranienne, on en parlait lundi quand même, de voilà, cette opposition très forte entre ce que l'Orient... là où nous sommes, nous autres Iraniens, et l'Occident, là, il non, on veut sortir encore plus de l'Orient. Le vrai slogan, parce que je me souviens maintenant en vous écoutant, c'était « ni l'Est, ni l'Ouest, la République islamique ». C'est ça, donc vraiment cette espèce d'entre-deux-deux. Voilà, c'est alors, il y a évidemment des intellectuels en Iran qui prennent parti, vous l'avez dit, on va prendre des cas particuliers. Il y a celui de Ali Shariati qui est très intéressant. Oui. Parce que lui semble cristalliser d'un côté, l'opposition, ça c'est sûr, l'opposition religieuse, mais aussi l'opposition religieuse et, disons, le socialisme ou le communisme. Si bien que à lui seul, on a l'impression qu'il y a comme un amalgame de différentes causes qu'on brandit pour s'opposer au Shah, et le résultat peut paraître un peu surprenant. Je vous propose qu'on écoute un texte de sa plume, « Construire l'identité révolutionnaire », interprété ici par Yvan Moran. Il ne peut y avoir de socialiste sincère, et qui le resterait, avant de constituer en nous-mêmes une essence pure et divine qui nous pousse à ne pas réclamer nos droits individuels dans la société tant qu'un seul individu ne jouit pas de tous ses droits. C'est-à-dire d'expliquer l'égalité par une égalité de droits avec les autres, et non par l'obtention de nos propres droits. Ceci ne pourra advenir que par la réalisation d'une sorte d'altruisme après l'accomplissement spirituel et effectif de l'essence humaine. Ce n'est qu'à partir de là que l'humain ayant foi dans les valeurs peut bâtir une société socialiste. Comment serait-il possible que s'évanouissent les classes dans une société dont les individus sont mus par des mobiles matérialistes ? Et où la philosophie matérialiste constitue l'explication de notre existence et de notre vie. Quant aux relations humaines, elles sont devenues des relations collectives de bêtes qui ouvrent grand leurs mâchoires et se disputent des cadavres, et à peine l'une d'elles ferme-t-elle les yeux qu'elle est aussitôt victime de la ruse et du vol de l'autre. Le système capitaliste et de marché exige de l'homme qu'il court tel un chien du matin au soir et qu'il rêve d'argent du soir au matin, sinon il pourrait croire qu'il est privé de vie. C'est pourquoi l'homme socialiste est avant tout un homme divin. Il est une essence pure et élevée, Un homme qui a atteint le degré de l'altruisme, qui a une orientation idéologique conforme à sa vision d'ensemble de la vie. Voilà comment on peut réussir à faire entendre des idées religieuses dans un langage marxiste. Alors, Ali Shariati est un intellectuel chiite, exilé à Paris pendant plusieurs années, où il a rencontré Sartre, Fanon, les membres du FLN. Et donc, il a tenté de réunir en une seule idéologie l'islam et le marxisme, en prenant pour modèle l'histoire du chiisme. Ouais, quel étrange personnage, Mohsen Mottari. C'est très étrange. Et puis, il a été traité comme marxiste islamique par le régime du Shah. C'est un slogan que le Shah d'Iran a propagé dans la société iranienne dans les années 50 pour dire « Ne les écoutez pas, ni Shariati, ni les Mojahedines, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des marxistes qui ont mis la manteau religieuse sur leurs idées. » Donc ça, mais Shariati aussi, je pense qu'il y a plusieurs Shariati, mais on va parler de Shariati qui intéresse un peu les personnes qui étudient la révolution, parce que Shariati, il a eu plusieurs phases, mais Shariati dont on entend, c'est un peu l'idée de spiritualité, on entend encore une fois, c'est que le socialisme, quand il est réduit au matérialisme, ne donne aucun sens à l'individu moderne. Donc on a besoin d'introduire, lui il appelait le mysticisme, je sais pas, il l'appelait Erfan, une sorte de gnose. On a besoin d'une vision un peu mystique de du monde pour pouvoir à la fois être un bon musulman et un bon socialiste, parce qu'il contestait le socialisme dans sa vision de marxiste, mais il ne contestait pas il était fasciné par le marxisme. De toute façon, Shariati, il a fait des études en Iran, il est venu en France, il était proche de Fanon, comme on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il pensait? Il considérait que le jeune iranien n'a pas besoin d'être marxiste pour pouvoir lutter contre le régime du Shah. Et c'est un peu paradoxal et contradictoire. Il utilisait tout le langage de marxisme tout en contestant le marxisme. Il disait quoi? Il disait, pour pouvoir lutter, on a Hossein, le grand martyr religieux. Pour défendre la justice, on a le premier imam chiite qui a lutté toute sa vie contre l'injustice. Mais en même temps, c'était pas tant de transformer l'islam en un langage marxiste, c'est plutôt de montrer aux jeunes iraniens qui n'ont pas besoin d'épouser la philosophie et l'idéologie marxiste pour lutter contre le Shah. C'est ça qui est très compliqué. Qu'est-ce qu'il a fait Shariati? Moi, je pense que pour, en deux mots, ce qu'on pourrait dire un peu de la vision de Shariati et qui a joué un rôle déterminant dans le langage révolutionnaire, c'est qu'il a transformé les mythes chiites en idéologie révolutionnaire. C'est ce que Shoigan appelle le processus de idéologisation de la religion. C'est-à-dire la religion qui était quelque chose qui relevait du domaine intérieur de la personne, qui était le rapport de l'individu avec Dieu, Shariati l'a transformé comme une arme pour contester contre le pouvoir en place. C'est ça qui est important, je pense, chez Shariati. Plus de dire qu'il était marxiste, il n'était pas un marxiste, de toute façon, c'était quelqu'un de très, très religieux, mais à sa manière, qui était laïque. Mais ce qu'il a essayé de dire, il disait qu'il avait une métaphore qui pourrait nous intéresser. Il disait que Mars et Mohammed, le prophète de l'islam, sont en guerre perpétuelle dans le cœur de chaque musulman. Donc, il disait, moi, je dois nourrir prophète de l'islam pour battre Mars. C'est comme ça qu'il a publié beaucoup de choses, qu'il a écrit beaucoup de choses, qu'il a fait beaucoup de conférences. Il voulait donner, je pense, une identité à l'individu iranien qui était tiraillé entre le marxisme révolutionnaire et le régime du Shah. Et ce sera la religion, finalement. C'est la religion. Pour lui, c'est l'islam. C'est pas la religion, c'est le chiisme, ce qu'il appelait le chiisme révolutionnaire. Est-ce que la victoire, finalement, qui remporte la révolution, s'il faut qu'il y ait un gagnant, c'est la religion, c'est le chiisme. C'est la religion, c'est le chiisme qui emporte la révolution. Mais l'aspect paradoxal de la révolution iranienne, Shariati disparaît plus ou moins dans la période post-révolutionnaire. C'est-à-dire, tout son discours révolutionnaire a été instrumentalisé, utilisé, propagé par les religieux, parce que Khomeini n'avait pas de philosophie, Khomeini n'avait pas de discours révolutionnaire. Je donne l'exemple de martyrs. Regardez les banderoles de la révolution iranienne. Il y a une phrase de Shariati, c'est que toute terre est Karbala, c'est l'Irak, et toute personne est au sein tous les jours sont Ashura. Ashura, c'est un jour assez important dans la conscience collective des Iraniens. C'est le jour où Hossein a été tué en martyr Karbala. Donc Shariati a essayé de montrer que pour pouvoir lutter, il faut se transformer en martyr. On ne peut pas rester inactif. C'est ça, la thèse de Shariati. Quand il y a la lutte, il faut y être. Sinon, ce n'est pas la peine de défendre ni les personnages de l'islam, ni les grands héros de la religion. Que restait-il de cela aujourd'hui ? Shariati, non, je pense que ce qui s'est passé, il y a une nouvelle génération d'intellectuels qui apparaît sur la scène en Iran, qui apparaît, je dirais que si je donne une période, c'est à partir des fins des années 80. Parce que pendant la première décennie de l'Iran, c'est la révolution, c'est la guerre. Il n'y a pas vraiment d'espace ouvert, politique, public pour pouvoir avancer quelque chose. À partir des années, de la fin des années 80, une nouvelle génération d'intellectuels apparaît. Ce qu'on dira par la suite, les intellectuels réformistes en Iran. D'abord, je donne juste un mot par rapport au contexte. Dans quel contexte ces intellectuels, ce mouvement d'intellectuels apparaît? C'est la prise de conscience de l'échec de la révolution iranienne pour pouvoir réaliser tous ses rêves, c'est première. Deuxièmement, c'est la fin de la guerre et la fin de l'exportation de la révolution iranienne, parce que c'était quand même l'un des slogans de la guerre d'Iran, c'est de propager et internationaliser la religion et l'islam. Et troisième, c'est la mort de Khomeini et c'est la fin du pouvoir politique. Et quatrième, un événement très important qui joue un rôle déterminant dans la conscience des intellectuels, c'est la fin du communisme et c'est la fin de l'utopie révolutionnaire. À partir de ce moment-là, un certain nombre d'intellectuels, à la tête duquel se trouve Abdelkarim Sourouche, qui construit une nouvelle vision de l'islam qui est un point en rupture avec Shariati tout en se réclamant. C'est-à-dire, il dit aujourd'hui, à l'époque de Shariati, être un bon musulman, c'était révolutionnaire, avoir une idéologie, transformer la société. Aujourd'hui, une bonne lecture de l'islam signifie le rétrécissement de la religion pour qu'elle puisse entrer dans la modernité et d'avoir une société ouverte. Parce que Abdelkarim Sourouche, c'est un autre trajectoire. Il était inspiré par Popper à l'Angleterre. Voilà, donc on pourra. Mais vous reviendrez en parler. Malheureusement, on arrive déjà au terme de l'émission. Wilson Motari, c'était passionnant de vous écouter. Merci infiniment d'être venu nous raconter cette. Voilà, j'aurais bien. Voilà, c'est ça. Oui, on a envie que ça continue. Voilà, vous reviendrez nous parler de Sourouche et des autres bien. Quand même, parce qu'on s'arrête un peu rapidement. Voilà. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, La pensée chiite contemporaine à l'épreuve de la révolution iranienne, aux éditions L'Harmattan. Et puis aussi, vous avez réuni des textes avec Atta Hayati de Farhad Khosrokavar, un sociologue, une révolution, l'histoire tourmentée de l'Iran, toujours voilà. Aux éditions de l'Harmattan. Merci. Merci à vous. Merci. Demain, pour la suite et fin de notre série sur les philosophies d'Iran, après la philosophie métaphysique lundi, la poésie amoureuse hier, la révolution aujourd'hui, bien demain, ce sera le cinéma. Un pays sous le regard des cinéastes, et ce sera Mamad Arirat, ou Ajijat, cinéaste et historien. Alors, dites-moi. Arirat, voilà, donc on ne francise pas le nom, il y a plusieurs écoles. Arirat, je l'appellerai donc Arirat, cinéaste et historien du cinéma iranien, qui dirige le cinéma Le Quartier Latin, à Paris, qui viendra vous parler de ces cinéastes iraniens. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps, il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Comme tous les jours, vous nous parlez de philosophie en lien avec l'actualité éditoriale, mais pas toujours. Aujourd'hui, je crois que vous avez une question, vous partez d'une question. Oui, c'est la question « Suis-je plusieurs ?» Eh bien, cette question, c'est le professeur de littérature et psychanalyste Pierre Bayard qui la pose dans son dernier essai. Alors, Pierre Bayard, à qui l'on doit déjà des questions tout aussi passionnantes comme « Comment parler des livres qu'on n'a pas lus ?» ou « À quoi ressemblerait le cuirassé Potemkin s'il avait été réalisé par Alfred Hitchcock ?» Donc, très bonne question. Mais sa dernière question, c'est celle-ci « Pourquoi suis-je plusieurs ?» Et comme il le dit encore, Pierre Bayard, c'est la littérature qui nous offre les meilleures réponses à cette interrogation, la littérature et les écrivains. Bien, mon prince, Gênes et Luc ne sont plus que des apanages, des propriétés de la famille Buonaparte. Non, je vous préviens que si vous ne me dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet antéchrist, ma parole, j'y crois, Je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami, vous n'êtes plus mon fidèle serviteur, comme vous dites. Allons, bonjour, bonjour. Je vois que je vous fais peur. Asseyez-vous. Quand on prononce le nom de Léon Tolstoï, on pense tout de suite à « Guerre et paix », évidemment, dont on vient d'entendre l'incipit interprété par Denis Podalites. Léon Tolstoï, ou la figure par excellence de l'écrivain russe, mais n'est-ce pas là le réduire à sa seule dimension littéraire ? Tolstoï n'était pas qu'écrivain, c'était aussi un grand penseur anarchiste qui voyait la fin du servage en Russie dans la libération des terres. Les éditions de l'Échappée font ainsi paraître un très beau livre qui rassemble ses écrits sur la Révolution sous le titre « Le refus de l'obéissance ». De quoi donc enrichir notre vision de l'écrivain, mais aussi d'y voir plus clair dans cette histoire de polypersonnalité. Car oui, refuser l'obéissance, selon Tolstoï, c'est refuser d'obéir à quelqu'un. C'est refuser son autorité et par là même celui qui se prétend auteur de ses actes et des nôtres. C'est donc refuser l'idée même d'auteur seul et tout puissant. L'homme n'est pas seul, mais toujours plusieurs. Mais alors comment et comment l'entendre ? Comment comprendre que l'homme est toujours plusieurs ? Faut-il l'entendre dans une dimension politique, comme une critique anti-individualiste et anti-autoritaire ? Faut-il l'entendre comme une éthique de la vie à plusieurs, promotion du partage et des vertus collectives, comme celle de l'amour ? Ou encore faut-il l'entendre comme « je ne suis pas seul dans ma tête et dans mon âme ». Et bien sûrement tout cela à la fois si l'on s'attache à Tolstoï, à son refus de l'autorité et de l'auteur et à sa défense du collectif, mais aussi si l'on s'attache à ses personnages. Dans la sonate à Kreutzer, nouvelle de 1889, le héros n'est pas seul. Il vit non seulement avec sa femme, mais surtout entre ses sentiments contradictoires et simultanés à l'égard de sa femme, tout à la fois fou amoureux d'elle et fou de jalousie et de haine. Que l'on vive à deux ou à plusieurs, d'accord. Que l'on devienne un autre, amoureux puis non, pourquoi pas. Mais comment comprendre ici que la même personne suscite en soi, et en même temps, c'est important, des sentiments si contraires ? Eh bien, en pariant justement sur cette multiplicité de personnes en soi. Je le dirai tout net. Stepan Trofimovitch jouait constamment parmi nous un rôle particulier. Assis dans cette pièce, autrefois sa chambre d'études, sur ce divan aux accoudoirs garnis de petits coussins, pour ainsi dire, civique, Nicolas aimait ce rôle à la folie, plongeant son regard dans les yeux follement excités de Natacha, au point qu'il n'aurait pas pu vivre sans, je crois, pénétrait de nouveau dans son univers enfantin, qui n'avait de sens que pour lui. C'était une habitude, disons une sorte de penchant, noble et continuel depuis l'enfance, pour les douces rêveries sur cette belle pose civique qu'il gardait. Mais qui lui octroyait une des plus grandes jouissances de son existence. Vous avez reconnu Adèle ? On reconnaît Tolstoï et ça doit être un autre écrivain russe, mais non, je ne sais pas. Mais c'est du Tolstoïevski, bien sûr. Ah, Tolstoï et Dostoïevski, ça fait Tolstoïevski ? Tolstoïevski, non, c'est un seul auteur, Tolstoïevski, c'est la thèse en tout cas de Pierre Bayard dans son dernier livre, « Je et plusieurs personnes », et autant lever le voile sur cet auteur, Tolstoïevski. L'auteur dissocié depuis tant d'années, et pourtant le même, le seul, l'unique de Guerre et paix, des frères Karamazov, joueur libertin et aussi anarchiste évangéliste. Et mieux que personne, Tolstoïevski a su révéler les méandres multiples au cœur d'un seul individu. Pourquoi sommes-nous capables d'aimer et de détester en même temps une seule personne et même plusieurs ? Pourquoi suis-je capable de me traîner devant le tribunal de ma propre culpabilité ? Pourquoi encore suis-je capable de passer à l'acte sans raison ? Pourquoi tout cela est sans être schizophrène ? Les Karamazov, Anna Karénine ou encore Post-Nietzschev dans la sonate à Kreutzer, autant d'ambivalence en personne qui nous le montre et révèle cette énigme. Ce livre de Pierre Bayard, qui donne très envie, s'appelle comment ? L'énigme Tolstoïevski, c'est paru aux éditions de Minuit, c'est vraiment génial. Et puis il y a ce très beau livre, Tolstoï, tout seul, rendu à lui-même, Le refus d'obéissance et les écrits sur la Révolution, paru aux éditions de l'Échappée. Il se suffit bien à lui-même. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à David Pargamin qui a préparé cette émission ainsi que toute celle de cette semaine sur les philosophies d'Iran, ainsi que Claire Perriman-Holt, Louis Servet, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Olivier Bétard qui réalise cette semaine, Emmanuel Morse-Duncan qui est à la prise de son, Yvan Morane à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite et fin de cette série des philosophies d'Iran. Demain, nous parlerons de cinéma, un pays sous le regard des cinéastes, et ce sera Mamad Arirat qui viendra nous en parler. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous trouverez toutes les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Vous pourrez aussi la réécouter, soit en ligne, soit en la téléchargeant, en la podcastant, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter, où l'équipe des chemins met en ligne quotidiennement l'émission du jour et attend vos remarques et commentaires. Quant à nous, bien sûr, donc, on se retrouve demain à 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.